Yesterday, I talked about postures. In four postures, I explained about walking, meditation, Gacchan Do Wa Gacchan Do Miti, Pajanati, the Buddha taught in the Satipatthana Sutta. A bhikkhu or a yogi knows I am walking when he is walking. Hier, je vous ai parlé des postures. Parmi ces quatre postures, je vous ai parlé plus spécialement de la marche. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha nous dit « Lorsqu'il marche, le yogi sait « je marche ». Les explications du Bouddha sont donc très simples. Elles s'adressent à tout le monde, jeune comme vieux. Mais la pratique est très difficile. La théorie est facile, mais il est très difficile de la mettre en application. Tout simplement parce que la méditation, c'est un travail de l'esprit. Lorsque nous pratiquons la marche, nous essayons de maintenir notre esprit sur les phases du pas. Nous essayons de maintenir notre attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous allons le faire non seulement pendant la marche, mais dans les trois autres postures également. Pour développer notre attention, il y a donc quatre postures, pas plus. Lorsqu'on marche, le vénérable Mahasi Sayadaw recommande d'essayer de maintenir son attention pendant toute la durée du processus et d'être très attentif à toutes les phases du mouvement. Mais ceci ne sera pas possible au début. Il faudra développer progressivement l'attention. Nous commençons donc par faire une note à chaque pas. Nous passons ensuite à deux notes à chaque pas et enfin à trois notes à chaque pas. Notre attention va ainsi progressivement se développer. Hier, je vous ai expliqué comment le yogi doit s'y prendre pour maintenir son esprit sur les différentes phases du pas. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement et vous expliquer comment le yogi va tôt ou tard réussir à comprendre l'enseignement du Bouddha grâce à l'attention. Sans attention, sans pratique diligente, il ne sera pas possible de comprendre l'enseignement du Bouddha. Nous continuerons à penser « c'est moi, ceci est à moi, j'existe réellement ». Nous ne comprendrons pas l'enseignement du Bouddha qui nous dit que le moi n'existe pas, que le mien n'existe pas et que l'ego n'existe pas. L'enseignement du Bouddha est très difficile à comprendre et très difficile à accepter. Nous ne sommes pas en mesure d'atteindre l'illumination complète comme l'a fait le Bouddha. Le Bouddha a atteint l'illumination complète et l'omniscience. Et c'est sur base de cette omniscience et de son expérience qu'il peut donc enseigner. Il enseigne ce qu'il a directement compris dans son propre corps et son propre esprit, c'est-à-dire anicca, l'impermanence, dukkha, l'insatisfaction, et anatta, le non-soi. Le Bouddha a expérimenté ces choses de façon parfaite à l'intérieur de lui. Et c'est pour cette raison qu'il peut l'enseigner aux autres. Il nous recommande de venir et voir par nous-mêmes, de ne pas le croire aveuglément. J'ai pratiqué et j'ai compris, dit-il. Vous aussi, si vous pratiquez, vous pourrez comprendre. Nous devons donc commencer par essayer de comprendre notre nature. Un yogi va donc pratiquer la marche de façon diligente en faisant preuve d'une énergie physique et d'une énergie mentale. Hier, je vous ai parlé des trois types d'énergie. La première, c'est Arambha Dhatu, l'énergie ou effort initial. Le yogi commence donc par noter pas gauche, pas droit. Il essaye de suivre attentivement le mouvement et il va faire cela pendant une heure ou deux. Il va ainsi progressivement arriver au deuxième type d'effort, Nekama Dhatu, l'effort libérateur. Le yogi est capable de suivre attentivement le mouvement sans trop penser. Lorsqu'il a des pensées, il est capable de les noter immédiatement. Lorsqu'il se tient debout, il observe la station debout. Lorsqu'il tourne, il observe le mouvement de rotation. C'est de cette façon que le yogi va progressivement développer son attention par la marche. Son esprit ne s'envolera plus. Et il va commencer à expérimenter qu'il y a chaque fois le mouvement et l'esprit qui note. Vous allez ainsi tout doucement passer à la deuxième méthode et faire chaque fois deux notes à chaque pas. Lever, abaisser. Vous observez très attentivement le mouvement d'élévation et ensuite le mouvement d'abaissement du pied. Il peut arriver parfois qu'un yogi particulièrement doué voit l'intention qui précède le mouvement. Il n'a pas eu besoin d'instruction pour la ressentir. Mais l'intention est un phénomène très difficile à percevoir. En général, le professeur demande au yogi de noter délibérément l'intention avant de lever le pied. Il lui explique qu'avant de lever le pied, il doit noter « intention de lever le pied »,« intention »,« intention » deux ou trois fois, et ensuite seulement il observe attentivement le mouvement d'élévation du pied. Et ensuite, il observe le mouvement d'abaissement du pied. Le méditant va donc poursuivre sa pratique en notant ainsi ces deux mouvements de façon très diligente, très attentive, et chaque fois, il notera l'intention avant de lever le pied. Vous allez donc construire progressivement votre attention en notant chaque fois l'intention et puis le mouvement d'élévation. Si vous êtes capable de noter l'intention qui précède le mouvement d'élévation du pied, cela veut dire que votre attention est déjà bien développée. Vous êtes également capable de voir la fin du mouvement d'élévation. Vous voyez qu'à la fin, le mouvement se termine. Parfois, il est possible que vous voyez l'intention avant d'avancer le pied. Mais vous ne devez pas la noter délibérément, car en fait, votre pied est déjà en mouvement. Vous avez perçu cette intention, mais c'est très rapide, vous ne devez donc pas la noter, car ce qui se passe à cet instant-là, c'est le mouvement d'avancement du pied. Vous notez donc tout simplement « avancer ». Vous observez très attentivement ce mouvement, du début à la fin, et vous dirigez votre attention vers le fait que le mouvement se termine. Avant d'observer le pied qui s'abaisse, il est également possible que vous voyiez l'intention d'abaisser le pied. Mais de nouveau, cette intention est très fugace, il ne faut donc pas la noter délibérément, même si vous en êtes conscient. Vous observez simplement le mouvement d'abaissement du pied. De cette façon, vous allez construire votre attention. Si vous êtes capable de pratiquer de cette façon, cela veut dire que votre attention est déjà très développée. De l'extérieur, on peut voir que vous vous comportez de façon très douce, très composée. Tous vos gestes sont doux, il n'y a aucune brutalité. Vous maintenez votre regard dirigé vers le bas, et même s'il devait vous arriver de regarder, vous le faites avec l'attention. Au début, lorsque vous pratiquez la marche, vous observez attentivement le mouvement du pied, mais l'idée du pied qui s'avance vous vient encore à l'esprit naturellement, même si vous êtes déjà capable de ressentir le mouvement. Après quelque temps, lorsque votre attention sera devenue forte, cette image d'un pied qui s'avance va complètement disparaître. Vous ne ressentirez que des sensations, comme du mouvement. Au moment où votre pied s'élève, vous allez ressentir de la légèreté, de nouveau du mouvement ou de la légèreté lorsque le pied s'avance, et lorsqu'il s'abaisse, ce sera probablement de la lourdeur. Lorsqu'il va prendre appui sur le sol, vous allez peut-être ressentir de la dureté. Mais parfois, c'est au contraire de la douceur que le yogi ressent, même si le sol est dur. Vous ne recherchez pas ces sensations. Elle se manifeste d'elle-même spontanément parce que vous êtes tout simplement très attentif à ces trois mouvements. Avez-vous expérimenté tout cela? Si vous l'avez expérimenté de façon authentique dans votre pratique, vous pourrez probablement répondre aux trois questions suivantes. Qui avance? À qui appartient ce mouvement? Pourquoi le mouvement a-t-il lieu? La première question, c'est donc qui avance? Un non-méditant ou un méditant dont l'attention n'est pas très développée ne pourra pas comprendre, tout simplement parce qu'il est encore un être ordinaire, un putujana. Il ne comprend pas l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha nous dit qu'à l'intérieur de nous, il n'y a jamais que deux choses, nama et rupa, l'esprit et la matière. Il n'y a pas d'entité permanente, pas d'âme. Tout est anicca, dukkha, anatta. Impermanent, insatisfaisant, insubstantiel. Mais cet enseignement du Bouddha est très difficile à comprendre. Lorsque nous pratiquons la méditation vipassana, c'est précisément pour essayer de comprendre l'enseignement du Bouddha. Pendant la marche, si vous êtes très attentif aux phases du pas, vous verrez tôt ou tard qu'il y a chaque fois la prise de conscience, c'est nama l'esprit. Il y a le mouvement, c'est la matière. Parfois, vous allez expérimenter la dureté, vous expérimentez alors l'élémentaire. Le mouvement, c'est l'élément air. Vous comprenez donc qu'à l'intérieur de vous, il n'y a jamais que ces deux choses, l'esprit et la matière. Ceci, c'est la compréhension correcte. Mais si vous ne réussissez pas à voir cela, à expérimenter cela, vous continuerez à croire que c'est vous qui marchez, que ce mouvement vous appartient. Qui avance? Y a-t-il une personne qui avance? Ce mouvement a-t-il un propriétaire? Non, il n'y a personne, nous ne voyons personne lorsque nous observons très attentivement. Si nous ne pratiquons pas vipassana, nous continuerons à croire qu'il y a à l'intérieur de nous une personne, une âme qui contrôle tout, qui nous fait avancer, qui nous fait bouger, qui nous fait penser, etc. Mais si on pratique vipassana, on pourra voir qu'à l'intérieur de nous, il n'y a personne, aucune entité qui contrôlerait quoi que ce soit. Il n'y a que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux, l'esprit et la matière. On ne voit que cela lorsqu'on pratique la marche et qu'on observe très attentivement les trois phases du pas. Vous allez également noter l'intention. Vous allez réaliser que cette intention met en mouvement l'élément air qui lui-même va exercer une poussée vers le haut. Vous réalisez ainsi les causes et les effets. Il n'y a personne qui commande au pied de bouger, personne qui commande ce mouvement. Il n'y a que des causes et des effets. Ceci, c'est comprendre clairement. C'est la sagesse, c'est panya. Vous avez fait surgir la sagesse tout simplement parce que vous avez été très attentif. Sans attention, il n'est pas possible d'avoir la concentration. Et sans concentration, il n'est pas possible de voir clairement. C'est pour cette raison que nous ne parlons jamais de la concentration. Nous parlons toujours de l'attention, car l'attention vient en premier. L'attention amène la concentration amène la sagesse. Nous devrions donc nous exprimer autrement et dire « Mon sati est excellent, mon attention est excellente ». Sati amène samadhi, samadhi amène panya. L'attention, c'est donc la clé. Sans attention, il n'est pas possible de développer le chemin de panya, le chemin de la sagesse. C'est comme si la porte de la chambre était fermée à clé. Vous allez donc noter l'intention. Et vous allez noter cette intention non seulement au moment où vous pratiquez la marche, vous allez donc faire un effort et vous entraîner à noter l'intention avant de lever le pied, ensuite vous observez le mouvement d'élévation, vous ressentez l'intention au moment où le pied s'avance, mais vous ne la notez pas délibérément, vous ressentez également l'intention juste avant que le pied ne s'abaisse, mais vous ne la notez pas délibérément. Vous ne la notez qu'au moment où le pied s'apprête à s'élever. Après quelque temps, vous devenez capable de percevoir l'intention dans tous les mouvements que vous serez amené à faire tout au long de la journée. Vous êtes en mesure de chaque fois noter l'intention, ou en tout cas de la ressentir. Vous notez donc chaque fois l'intention. Éventuellement, vous ne la notez pas, mais vous la ressentez dans les activités quotidiennes. Quelle est la différence entre noter et étiqueter? Le yogi demande souvent à l'entretien s'il doit continuer à étiqueter les phénomènes ou s'il doit tout simplement observer. On demande effectivement au yogi de noter. Noter, au début, veut dire que le yogi doit essayer d'être très attentif, de prendre conscience et en même temps d'étiqueter mentalement le phénomène. Mais petit à petit, cette étiquette sera automatiquement associée à l'objet. L'esprit va commencer à accompagner spontanément le mouvement, par exemple. Et le yogi n'aura plus besoin d'étiqueter de façon délibérée. Lorsqu'il ressentira le mouvement, l'étiquette sera automatiquement associée. Au début, le yogi n'est pas encore capable d'être très attentif aux phases du pas, ni au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il arrive même qu'il se trompe. Il note soulèvement alors que l'abdomen s'abaisse. Il note abaissement alors que l'abdomen se soulève. Pendant la marche, il note pas gauche alors que c'est le pas droit qui s'avance. Il note pas droit alors que c'est le pied gauche qui s'avance. Il n'est donc pas encore en mesure de noter correctement. Il fait des erreurs. Ceci veut dire qu'il doit encore étiqueter les phénomènes. La technique de l'étiquetage à ce stade est très utile. Petit à petit, son attention va se développer et son esprit finira par être absorbé dans l'objet. Le méditant, à ce stade, ressent très bien les mouvements. Il se sent heureux car son esprit reste fixé sur l'objet. Lorsqu'il observe les phases du pas, l'image d'un pied qui s'avance lui vient encore à l'esprit, mais ce yogi est déjà en mesure de ressentir très clairement le mouvement. Il arrive parfois qu'à ce stade, le yogi ait l'impression de ne plus pratiquer correctement. Il se demande s'il doit continuer à étiqueter. Le fait d'étiqueter le phénomène commence à le déranger. Il dit au professeur « Je n'arrive plus à noter ». Le professeur va alors lui demander s'il sent le mouvement. « Oui », répond ce yogi. Le professeur lui explique alors qu'il est devenu inutile pour lui d'étiqueter le phénomène. Il doit simplement observer attentivement et ressentir le mouvement. C'est pour cette raison que le vénérable Mahasi Sayadaw explique que la technique de l'étiquetage n'est pas importante en soi. Ce qui est important, c'est d'observer et de ressentir, de prendre conscience. Le but de Vipassana, c'est de réaliser la réalité ultime, Paramatta. C'est de dépasser les concepts. Dans Vipassana, on n'observe pas la réalité conventionnelle des concepts. Mais il n'est pas possible d'éliminer le concept dès le début. Ceci va prendre un certain temps. Il faudra d'abord construire son attention. Progressivement, la forme extérieure des objets va disparaître, va s'estomper, et ceci va se produire tout naturellement. Et Paramatta, la réalité ultime, va tout naturellement se manifester. Le professeur peut le constater à la façon dont le yogi se présente à l'entretien. Lorsque donc vous notez l'intention, vous comprenez que c'est l'intention qui met le pied en mouvement. Si vous êtes très attentif, vous pourrez même voir qu'il y a une succession de petites intentions qui amènent chaque fois une succession de petits mouvements. Si on ne pratique pas la méditation vipassana, ou si notre attention n'est pas développée, il ne sera pas facile de comprendre l'enseignement du Bouddha. Il ne sera pas facile de comprendre qu'à l'intérieur de nous, il n'y a que l'esprit et la matière. Nous ne comprendrons pas les causes et les effets. Nous ne comprendrons pas anicca, dukkha et anatta. Le Dhamma a une qualité appelée Pacchatam Veditabo Vinyuhi, ce qui veut dire à réaliser par le sage individuellement. Individuellement, cela veut dire que, par exemple, un Sotapanna ne peut pas comprendre ce qu'a compris un Sakatagami. Chacun comprend donc individuellement. On peut comparer cela à la différence entre un pratiquant vipassana et un non-pratiquant vipassana. Un non-pratiquant vipassana n'est même pas intéressé par ces choses. Il ne comprend pas ni l'esprit et la matière, ni les causes et les effets. Il trouve cela même bizarre. Alors qu'un pratiquant vipassana, même s'il en est au début, comprend dans une certaine mesure l'esprit et la matière, les causes et les effets. C'est pour cette raison que le Bouddha nous encourage à essayer de comprendre clairement, à fond, complètement, en faisant preuve d'une pratique diligente. Let me stop here for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as it really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu. Sadhu, Sadhu.